C'est une petite histoire qui retient ma mémoire, qui me fait oublier mes douleurs du passé. Petite fille dans le noir, ne sachant où aller, demandant son chemin aux êtres des contrées. Elle rêvait de bonheur et d'avoir sa maison où le calme et la paix régneraient pour longtemps. En toute sécurité, elle se promènerait au pays des fraises et des cerises gaies. En toute sécurité, elle se promènerait au pays des fraises et des cerises gaies. Au milieu de la nuit, elle marcherait encore, sans connaître du répit jusqu'à l'aurore. Comment se protéger de tous ces prédateurs qui en veulent à son corps et à son cœur? Et soudain fatiguée, elle se reposerait brillant sous un chêne jusqu'à lendemain. Elle danserait le jour en pensant à l'amour, au pays des fraises et des cerises gaies. Elle danserait le jour en pensant à l'amour, au pays des fraises et des cerises gaies. La la la la la la la la la la la la la la la la. Au pays des fraises et des cerises gaies. Petite fille du bonheur, toi qui apportes la paix, depuis longtemps tu attends ton heure, ton espoir. Et chaque jour tu pleures, si désorienté, tu portes dans ton cœur le chemin de la vérité. Et comment t'oublier, comment ne pas t'aimer, car sans toi le monde est imparfait. T'aideront un jour à asseoir ta demeure au pays des fraises et des cerises gaies. Nous t'aideront un jour à asseoir ta demeure au pays des fraises et des cerises gaies. La la la la la la la la la la la la la la. Au pays des fraises et des cerises gaies. Au pays des fraises et des cerises gaies. Nous t'aiderons un jour à asseoir ta demeure au pays des fraises et des cerises gaies. Nous t'aiderons un jour asseoir ta demeure au pays des fraises et des cerises.